L'ignorance a pris des armes pour celui qui sait, et puis la peine des armes de celui qui naît, être et savoir que l'on ne sait pas, enfin pas tout. Un arrivant enfant n'a rien demandé, alors pas touche. L'ignorance, la pire des armes pour celui qui sait, et puis la peine des armes de celui qui naît, être et savoir que l'on ne sait pas, enfin pas tout. Un arrivant enfant n'a rien demandé, alors pas touche. C'est moi, y'a rien de neuf, toujours le même dégoût, la même vision. Mission contre le triple 6 et ses divisions. Mathématicien de la rime, en place une pour poupe. Merde, yo, la vie abîme, y'a que le matériel qui se répare ou pire. On remplace peinard, loi s'appliquant à l'homme depuis la première prise de pouvoir s'adapte. Triste mouton qui s'adapte et s'accroupir, déféquant leur vie sans même s'apercevoir des conséquences. L'avenir, laissez-moi rigoler les conséquences en leur présent entre mensonges et stupidité. En se calant, et si tu parles d'égalité, parle tous de fric, oh, décalant l'argent, adieu au même rang, une vague idée. La haine, la magie noire, les pyramides, les lignes énergétiques, j'coupe. Des sous-crayons, y'en a des tonnes, des tombes, y'en a des vides, un vide rempli de bombes, prêtes à détonner, faut pas déconner. L'ignorance, la pire des armes pour celui qui sait, et puis la peine des armes de celui qui naît, être et savoir que l'on ne sait pas, enfin pas tout. Un arrivant enfant n'a rien demandé, alors pas touche. L'ignorance, la pire des armes pour celui qui sait, et puis la peine des armes de celui qui naît, être et savoir que l'on ne sait pas, enfin pas tout. Un arrivant enfant n'a rien demandé, alors pas touche. J'avoue, j'sais plus quoi dire, t'écoutes mais de façon léthargique. Mon rap est un message et non une distraction, c'est pas après la piste, fais vite, le temps se casse. Nous funambules entre la mort, la vie, sur le fil de l'ignorance tendue. Entre deux sommets d'égoïsme en équilibre, pour éviter la chute dans la réalité. Fausse vanité ne fait que tâcher nos âmes. Distraction faite pour omettre le drame. Réfléchis à maintes reprises avant de crier aux armes. Et même si je dois admettre que c'est tentant, le savoir reste la clé souvent. Trompeur vêtu de soie noire était la fée, tandis que le diable lui rôde et parfumé. L'habit ne fait pas le moine, mais qui choisit les habits? 21e siècle, collection des abîmes. La mode, le sexe, l'obotomie, le crime, les larmes des mioches, les cris des mères perdant des bouts d'elles-mêmes. Aussi souvent que j'écris, l'ignorance, la pire des armes pour celui qui sait, et puis la peine des armes de celui qui naît, être et savoir que l'on ne sait pas, enfin pas tout. Un arrivant enfant n'a rien demandé, alors pas touche. L'ignorance, la pire des armes pour celui qui sait, et puis la peine des armes de celui qui naît, être et savoir que l'on ne sait pas, enfin pas tout. Un arrivant enfant n'a rien demandé, alors pas touche.